Le vieux chêne de Marienbourg, extrait des Petits contes alsaciens écrit par Jules Girardin, lu par Armène pour audiocité.net. Je l'ai revu, le vieux verger de Marienbourg, je l'ai revu la mort dans l'âme, mais si je n'ai pas pleuré en faisant ce triste pèlerinage, c'est que mes larmes auraient réjoui le cœur de ceux qui nous ont chassés de ce paradis. Le soleil éclaire aussi joyeusement qu'autrefois les murs crevassés des terrasses et les marches disjointes des escaliers. Les pigeons roucoulent comme autrefois sur les balustrades couvertes de mousse et de lichen. L'herbe est toujours haute et drue, le vieux chêne est toujours vert et vigoureux. Il y a 20 ans, nous avions fait du vieux chêne une citadelle. Grimpé dans les branches, nous le défendions à 3 ou 4 contre les autres garçons du village. Fritz, serré de trop près, fit un faux mouvement et dégringola sur l'herbe. Il avait la figure meurtrie et le poignet foulé. Peut-être avait-il grande envie de pleurer, mais il renfonça bravement ses larmes parce qu'un soldat blessé ne pleure pas. Fritz, devenu depuis capitaine d'artillerie, eut les 2 jambes emportées par un boulet à Reichshoffen. « Laissez-moi, dit-il à ceux qui voulaient le relever, je suis un homme mort. Courez à vos pièces. Je meurs content si ma batterie est sauvée. Vive la France !» Et il mourut en brave. Hermann le Rouge, poursuivi de branche en branche, monta si haut que les branches ne pouvaient plus le porter. Il trouvait que c'était chose si honteuse de se rendre qu'il aima mieux risquer sa vie. Il a combattu depuis sous les remparts de Belfort et il a été tué à l'ennemi. Je pensais à ces choses en regardant de loin le vieux chêne. Comme je m'approchais avec respect, j'entendis des voix qui chantaient et, en faisant quelques pas de plus, j'aperçus un groupe d'enfants. Assis sur la fourche du vieil arbre, un petit Allemand à figure anguleuse et déplaisante battait la mesure d'un air pédant et entonnait les chants. 4 fillettes assises sur l'herbe chantaient d'un air sérieux et recueilli. Un jeune garçon paresseusement étendu au milieu des grandes herbes regardait son camarade. Une vieille femme écoutait avec ravissement tout en prenant soin de 2 petits enfants qui s'ébattaient sur ses genoux. Pour mes yeux, c'était un tableau charmant, mais mon cœur se serra d'angoisse, car je venais de reconnaître les paroles que chantaient ces enfants. Je les avais entendues autrefois dans toute l'Allemagne par la porte entr'ouverte des écoles. Je souriais alors de l'orgueil qu'elles exprimaient et de la haine qu'elle semait contre la France dans l'âme des petits-enfants. J'avais tort de sourire. Cette semence impie apportait une sanglante récolte. Les petits-enfants d'autrefois, devenus des hommes, ont envahi la France en chantant les chants de l'école. Ils les chantaient encore au bivouac à la lueur des incendies, le soir de Reichshoffen et le soir de Sedan. Il les chantait au milieu des ruines de Strasbourg bombardées, sur les remparts de Metz trahis, sous les murs de Paris affamés. Et voilà que leurs petits-enfants les répètent en pleine paix sur une terre sacrée pour moi, française encore il y a quelques années, à l'endroit même où revit le souvenir de ceux que j'ai le plus aimés et qui ont donné leur sang pour la patrie. Je joignis les mains et j'en appelai à Dieu. Ma pensée, en s'élançant vers lui, se détacha pour un instant des passions et de la violence des hommes. Ma rancune fut moins âpre, mon ressentiment moins amer, et quelque chose qui ressemblait à une lueur d'espérance se glissa dans mon âme. En voyant le grand chêne si vieux et si vert à la fois, je songeais combien il avait vu de changements et combien, sans doute, il en verrait encore. Il y a 30 ans, il a vu nos jeux. Il y a 8 ans, il voyait encore ceux des enfants qui sont venus après nous. En pensant à la toute-puissance de Dieu, qui se plaît à confondre la sagesse des hommes, je me pris à espérer qu'un jour des enfants français reviendraient jouer à l'endroit même où j'avais entendu chanter ces petits Allemands. L'espérance est permise aux malheureux. L'Église elle-même a fait de l'espérance une vertu.